Mademoiselle du Rosier d'Amédée Achard. Chapitre 1er. Mademoiselle Alexandrine du Rosier était en 1852 une des personnes dont le nom revenait le plus souvent dans la conversation des bourgeois de Moulins. Ce n'est pas qu'il y eût dans sa conduite quelque chose qui prêtât au caquet, et moins encore aux médisances, mais elle était belle et on la croyait riche. Sa jeunesse et son caractère aidant, il n'en fallait pas davantage pour attirer sur elle l'attention de toute la ville. À 21 ans, Mademoiselle du Rosier passait pour l'un des partis les plus considérables du département. Elle tenait par sa mère, d'une bonne maison de Ghana, à la vieille noblesse du Bourbonnais, et par son père, quelque temps maître de forge et propriétaire, à la bourgeoisie industrielle du pays. Elle avait les yeux bleus, de beaux cheveux châtains, beaucoup d'élégance dans la taille et un grand air qui l'eussent fait remarquer partout, lors même qu'elle n'aurait point eu d'alliance et de fortune. L'hôtel qu'elle habitait était situé dans la partie haute de la ville. Il datait du commencement du XVIIIe siècle et un tapissier de Paris en avait meublé les vastes appartements, enrichis de dorures et de trumeaux. C'était un honneur que d'y être reçu. L'évêque y dînait quelquefois. Avec la dot qu'on lui supposait et les avantages naturels que le hasard lui avait prodigués comme un souhait, on s'étonnait seulement que Mademoiselle du Rosier ne fût pas encore mariée. Ce n'est pas que les prétendants manquassent, tant s'en faut. Ils s'en étaient présentés de 20 lieues à la ronde et même de Paris, et cependant ce mariage, dont on parlait toujours, ne se faisait jamais. Quelques personnes mettaient, selon retard, sur le compte des prétentions excessives de Mademoiselle du Rosier. Gâtée comme elle l'était par sa position, elle demandait certainement un prince des contes de fées, et il ne s'en trouvait pas dans le département. Un notaire à cheveux blancs qui connaissait la famille de vieille date souriait bien quelquefois d'un air malin quand on parlait dans lui des richesses de Monsieur du Rosier. Mais comme c'était bien l'homme le plus caustique et le plus méchant de Moulins, on ne s'arrêtait pas à ses ricanements. Il est certain que Mademoiselle du Rosier ne faisait rien pour attirer les galants, et qu'elle ne paraissait pas pressée de se marier. Elle avait dans le caractère un mélange extraordinaire de bonté et de hauteur qui était un sujet perpétuel d'étonnement pour les oisifs de la ville. Un poète du pays, qui l'avait vue à l'une des réceptions du préfet, la comparait à Junon marchant sur les nuées. L'expression habituelle de son visage était une dignité froide, relevée à certains moments par un air d'intelligence et de fierté qui brillait par éclairs avec un tel feu qu'on en était ébloui. Elle avait des façons qui dataient d'un autre temps. Un jour qu'une pauvresse à qui elle avait donné une pièce d'or par erreur courait après elle pour la lui rendre, Mademoiselle du Rosier vida sa bourse entre ses mains. Il y avait 10 louis dans cette bourse. On en parla 3 jours dans Moulins. Un bel esprit de l'endroit dit à ce propos que certainement la Providence était trompée et que Mademoiselle du Rosier était née duchesse. À cette époque-là, on voyait Mademoiselle du Rosier dans toutes les maisons où quelques bals réunissaient la meilleure société de la ville. Elle s'y montrait toujours la mieux parée et la plus belle. Son père, qui ne lui refusait rien, faisait venir ses toilettes de Paris. On le blâmait un peu de cette condescendance, mais les femmes qui criaient le plus contre cette extrême recherche étaient précisément celles qui auraient désiré que leur mari imitasse en tout point ce père complaisant. Monsieur du Rosier avait alors 55 ans. C'était un homme d'une humeur joviale et certainement le plus aimable et le plus facile à vivre qui fût dans le ressort de la préfecture. Replet et dodu, et comme on dit tout rond en affaires, son caractère n'avait pas plus d'angle et d'aspérité qu'on en voyait sur sa bonne grosse taille et sa figure haute en couleur. On ne pouvait pas l'accuser d'ambition. Jamais on n'avait pu, malgré les plus vives instances, lui faire accepter aucune fonction, pas même celle d'adjoint au maire ou de membre du conseil général. Il n'était bon, disait-il, qu'à vivre à sa guise. Depuis qu'il avait quitté les affaires, il partageait son temps entre Paris et Moulins, un jour ici, un jour là-bas. Ce n'est pas qu'il fît comme certaines personnes, qui passent 6 mois d'un côté et 6 mois de l'autre. Les voyages de M. du Rosier étaient en quelque sorte improvisés. Il partait subitement et revenait de même. Ses absences duraient tantôt 6 semaines et tantôt 3 jours. Mademoiselle du Rosier ne l'accompagnait jamais. Personne ne savait pourquoi il allait si fréquemment à Paris. Ceux qui les rencontraient ne s'en doutaient pas davantage. Ils y voyaient peu de monde et refusaient obstinément les invitations, si ce n'est dans les maisons où l'on dînait bien. Ils venaient du notaire et M. Deschapelles aurait trouvé une tache dans un flocon de neige. Au moment où commence ce récit, l'hôtel de la rue de la Cigogne à Moulins était habité par 4 personnes, M. Durosier, Alexandrine, une sœur cadette du nom de Louise, et Mme de Fougerolles. Cette dernière était une sœur aînée de Mme Durosier, la mère, morte en couche de Louise. Elle était baronne du chef de son mari, d'une bonne noblesse du Nivernais, et de son vivant gentilhomme ordinaire de la chambre du roi sous Charles X. Veuve à 35 ans et âgée alors de 56 à 57 ans, Madame de Fougerolles était une grande personne, sèche, maigre et couperosée, qui ne manquait pas d'une certaine distinction. Elle avait d'excellentes manières et le parlait fort doux, excepté lorsqu'un sentiment de colère l'animait. Alors elle perdait toute mesure et s'oubliait dans des emportements où l'on voyait toute la violence de son caractère et la fougue d'un sang dont rien n'avait pu tempérer l'âcreté. Ceux qui la connaissaient bien lui reprochaient une excessive parcimonie, bien qu'à la mort de son mari elle se fût trouvée à la tête d'une immense fortune, et une extrême vanité à l'aide de laquelle la baronne pouvait quelquefois dissimuler son penchant à l'avarice, mais qui ne le détruisait pas. Madame de Fougerolles n'avait pas d'enfant. Le baron, qui était un homme de plaisir, l'avait fort négligée pour courir les aventures. Mariée, elle vécut dans le célibat, et veuve, elle en voulut à tout le monde de l'indifférence de son mari. Elle arrivait chaque année à Moulins vers le mois d'avril et descendait chez son beau-frère, qui 2 ou 3 fois lui confia sa fille aînée pour la conduire à Paris. En l'absence de Madame de Fougerolles, qui ne donnait jamais plus de 20 francs au domestique après un séjour de 4 ou 5 mois chez M. Durosier, Alexandrine et Louise étaient placées sous la direction d'une institutrice. Mais le gouvernement de la maison appartenait à Mademoiselle Durosier, qui savait y maintenir à la fois un ordre sévère et une grande abondance en toutes choses. Telle était la situation de la famille Durosier au mois d'avril 1852, 15 jours après l'arrivée de Madame de Fougerolles. Cet hiver-là, M. Durosier avait donné plusieurs grands dîners et 2 bals qui avaient éclipsé ceux du receveur général. Parmi les jeunes gens qui, pour nous servir d'une expression consacrée à Moulins, quand il s'agissait de Mademoiselle Durosier, aspirait à la main de l'héritière, et on aurait pu en compter 12, il en était 2 qui se détachaient de la masse comme les vedettes d'un escadron en campagne. L'un de ses prétendants s'appelait Anatole de Mauvezin, et l'autre Évariste. Eux seuls paraissaient avoir quelque chance de réussir auprès de la jeune fille. Anatole appartenait à l'une des familles les plus considérables de l'arrondissement, qui voulait le pousser dans la magistrature, où les émoluments ne sont jamais bien élevés. Une bonne dot n'était donc pas à dédaigner. Évariste avait quelques liens de parenté éloignés avec Mademoiselle Durosier et une position indépendante. Tous 2 semblaient l'aimer également, mais un observateur intelligent n'aurait pas tardé à démêler que l'un mettait son esprit seulement et l'autre, Évariste, tout son cœur dans cette affaire. Ce même observateur aurait bientôt découvert aussi que la personne la plus intéressée à bien choisir donnait la préférence à M. de Mauvezin. M. de Mauvezin était ce qu'on appelle communément un bel homme. Il avait la taille haute et bien prise, de grands yeux noirs, une profusion de cheveux qui frisaient naturellement, les traits fermes et réguliers. À cheval, le sabre au poing et la cuirasse sur le dos, il aurait été superbe. Mais cette enveloppe magnifique ne cachait rien. Il ne faut pas le gratter. « Il n'y a que l'écorce, » disait M. Deschapelles. C'est pourtant ce dont Mademoiselle Durosier, malgré sa vive intelligence, ne s'apercevait pas. Pourquoi cette nature élégante, spirituelle et qu'on pouvait accuser, non sans raison, d'être encline au dédain, aimait-elle cette organisation un peu commune et cet esprit vulgaire? C'est ce qu'il est impossible d'expliquer. Cela était. Évariste le voyait bien, mais il fermait les yeux pour ne pas le voir. Un soir qu'il y avait grand bal à la préfecture, M. de Mauvezin profita du tête-à-tête que lui ménageait une valse pour faire l'aveu de ses sentiments à Mademoiselle Durosier. Alexandrine était ce soir-là plus brillante que jamais. Une couturière de Paris lui avait envoyé ce qu'il y avait de plus frais et de plus coquet en fait de mode nouvelle, et l'admiration où cette merveilleuse toilette le jeta fut pour Anatole un prétexte de donner un libre cours à la passion dont il se sentait dévoré, disait-il, depuis qu'il avait eu l'honneur d'être présenté à Mademoiselle du Rosier. « Pardonnez-moi, mademoiselle, » ajouta-t-il en forme de péroraison. « Je n'ai pu résister à l'ardeur du sentiment qui m'entraîne. Heureux celui qui vous appartiendra. » Tout ce beau discours ne sentait pas l'improvisation, et Mademoiselle du Rosier ne s'y serait pas trompée si elle avait eu la libre disposition d'elle-même. Mais son cœur plaidait pour Anatole, et elle n'entendit que ce qu'elle voulait entendre. Elle regarda M. de Mauvezin d'un œil où le courroux ne se montrait pas, et en la reconduisant à sa place, le beau valseur put croire que la rebelle était enfin soumise. La beauté d'Alexandrine fut ce soir-là sans rivale. Elle resplendissait. Le pli de ses lèvres un peu hautaines s'était adouci, et l'expression de son visage auquel on pouvait reprocher une certaine froideur altière avait une animation et une grâce nouvelles. « Qu'avez-vous ? » lui demanda Évariste, qui l'admirait. « Rien, » répondit-elle, « je suis heureuse. » Mais de retour chez elle, Mademoiselle du Rosier ne put s'empêcher de courir dans la chambre de sa sœur qui dormait et de l'embrasser avec passion. Cette sœur était de plusieurs années plus jeune qu'Alexandrine. Elle avait été élevée au couvent, et on la voyait fort peu dans le monde. D'un caractère doux et timide, elle aimait la retraite et tenait pour ses meilleurs jours ceux qu'elle passait au milieu de ses jeunes compagnes, entre les paisibles murailles qui avaient abrité son enfance. Elle y courait pour le moindre prétexte, et y demeurait volontiers jusqu'à ce que sa sœur l'envoyât chercher. Louise était d'une santé délicate. On avait craint quelque temps pour sa poitrine. On aurait dit que sa mère, en la quittant, n'avait pu se détacher d'elle et qu'elle était prête à la rappeler. Et les inquiétudes, les soins, les ménagements qui avaient entouré ses premiers pas dans la vie avaient disposé son esprit à une sorte de mélancolie rêveuse où elle aimait à se plonger. Elle était comme une prisonnière échappée à la mort. Il lui semblait toujours qu'elle avait à redouter les poursuites de cet ennemi, mais elle ne s'en effrayait pas et se préparait à cette rencontre avec une résignation dans laquelle le courage d'une chrétienne se mêlait à l'innocence d'un enfant. Louise n'aimait ni la beauté ni l'éclat d'Alexandrine, mais tous les sentiments, toutes les émotions se peignaient sur son visage et lui prêtaient une expression dont rien ne pourrait rendre le charme et la séduction. Les deux sœurs s'aimaient tendrement. Seulement l'une commandait, comme l'autre obéissait, sans le savoir, et quand on parlait de Mademoiselle du Rosier, c'était toujours d'Alexandrine qu'il s'agissait. On connaissait à peine la sœur cadette en dehors des amis intimes de la maison, et ceux-là croyaient qu'elle n'atteindrait pas sa majorité. Le petit roman noué entre Mademoiselle du Rosier et M. de Mauvezin durait déjà depuis 8 ou 10 jours, lorsqu'une autre valse procura à celui-ci l'occasion de porter la question sur le terrain plus sérieux du mariage. « Je ne veux rien faire sans votre agrément, » dit-il. « Si j'ai le bonheur de vous obtenir, c'est à vous seul que je veux le devoir. » Mademoiselle du Rosier trouva ses sentiments pleins de délicatesse. Ils étaient seulement pleins de prudence et d'habileté. M. de Mauvezin savait, à n'en pas douter, que toutes les demandes adressées directement à M. du Rosier avaient été repoussées. Mais ce qu'on lui avait dit de la tendresse du père pour la fille lui permettait de croire que si Alexandrine se chargeait des négociations, le succès en était assuré. Eh bien, répondit Alexandrine, voyez mon père. Un avocat sera près de lui pour défendre votre cause. Ce n'était pas là tout à fait ce que désirait Anatole, mais l'invitation était trop directe pour qu'il pût l'éluder. Mademoiselle du Rosier ne dormit pas de la nuit. L'aveu qu'elle avait fait implicitement à M. de Mauvezin ne laissait pas de la troubler beaucoup. Elle s'étonnait que sa fierté ne l'eût pas mieux défendue contre son propre entraînement, et cependant elle était joyeuse de sa confusion. Elle assistait en esprit à la visite de M. de Mauvezin et lui soufflait ce qu'il avait à dire. Quand la fatigue lui faisait fermer les yeux, elle se voyait en robe de dentelle avec le voile blanc des mariés dans la cathédrale de Moulins, où une grande foule s'agitait et elle se réveillait en sursaut. Elle s'irritait de sa propre émotion et ne parvenait pas à la dominer. La jeunesse était cette fois plus forte que sa volonté. L'insomnie dura toute la nuit, avec des intermittences de rêves bizarres, mais jamais Alexandrine ne fut si heureuse. Un jour se passa, puis deux, puis quatre, et son père ne lui parla pas. Ce long silence étonnait Mademoiselle du Rosier, qui n'y trouvait pas d'explication naturelle. Après que la semaine se fût écoulée, son anxiété devint extrême. Le dimanche suivant, à l'issue de la grand-messe, où elle se trouvait avec sa sœur et Madame de Fougerolles, M. de Mauvezin la salua. Mademoiselle du Rosier comprit qu'il cherchait à l'aborder. Elle ralentit sa marche, très émue, et profitant d'un groupe qui la séparait de sa compagnie, Anatole s'approcha d'elle. « J'ai parlé, » lui dit-il, très bas et très vite. « Eh bien, » fit-elle en levant les yeux. « Rien, il veut voir, il veut réfléchir. Et en attendant, je suis au désespoir, je me meurs. » Mademoiselle du Rosier aperçut la grande figure sèche de Madame de Fougerolles qui se retournait. Elle pressa le pas, mais le coup d'œil qu'elle jeta sur M. de Mauvezin lui fit bien voir que sa cause n'était pas encore perdue. Quant à ce désespoir dont il avait parlé avec un si vif élan, il ne l'avait ni maigri ni pâli, mais ce sont de ces exagérations qui ne déplaisent pas à certaines femmes. Il répugnait à l'excessive fierté de Mademoiselle du Rosier de parler la première. N'était-ce pas avouer hautement l'amour qu'elle ressentait pour M. de Mauvezin, sans savoir si son père l'approuvait? Elle se décida cependant à le faire, et comme elle était d'un caractère résolu, elle saisit un instant où il était seul dans son cabinet pour l'aborder. « Je vous dérange peut-être ? » dit-elle en entrant. « Non, » répondit M. du Rosier, qui était assis devant son bureau. « Je classais des papiers. »« C'est que j'ai à vous parler. » »« Cela se trouve à merveille. » »« Depuis deux ou trois jours, je voulais te faire appeler pour causer avec toi. » »« Vous avez donc quelque chose à me dire ?» demanda Mademoiselle du Rosier, qui rougit malgré elle. M. du Rosier tourna vers elle de petits yeux perçants. Il se leva et fit deux ou trois tours dans son cabinet sans parler. Pour la première fois de sa vie peut-être, il paraissait embarrassé. Il s'arrêta devant la fenêtre et tambourina du bout des doigts sur la vitre. Une certaine appréhension se glissa dans le cœur d'Alexandrine. Au bout de quelques secondes, M. du Rosier se retourna brusquement. « Tu sais peut-être qu'il s'agit d'un mariage, » dit-il. « Oui, » répondit résolument Alexandrine. « Monsieur de Mauvezin t'en a donc parlé avant de s'en ouvrir à moi ?» continua Monsieur du Rosier. Alexandrine fit un signe de tête affirmatif. « J'imagine alors que c'est de cela que tu avais à m'entretenir. »« Précisément, » répliqua-t-elle. « Si tu l'avoues, c'est que Monsieur de Mauvezin te plaît. » Peut-être même n'a-t-il fait cette démarche auprès de moi qu'avec la certitude de ton assentiment. » Alexandrine répondit par un nouveau signe de tête. Toutes ces interpellations faites coup sur coup la mettaient à la torture. Elle n'y reconnaissait pas la bonhomie habituelle de son père et s'en inquiétait. Quelque chose d'extraordinaire se passait en lui. Il fit de nouveau quelques pas dans le cabinet, souleva des liasses de papier qui étaient épars sur son bureau, s'arrêta devant la fenêtre, et caressa de la main deux ou trois mèches de cheveux qui frisaient autour de ses tempes. Le cœur d'Alexandrine battait à coups pressés. Elle avait remarqué que ce mouvement machinal indiquait chez son père une vive préoccupation. Elle entrevit qu'un obstacle inconnu s'opposait à son mariage avec M. de Mauvezin. Mais comme il n'était pas dans sa nature de reculer devant la résistance, « Prévoyez-vous quelque empêchement à mon mariage ? » dit-elle d'une voix ferme. « Oh ! S'il ne s'agissait que d'un empêchement, ce ne serait rien, » dit le père. Il quitta la fenêtre et, se rapprochant de sa fille, « Ça, il faut parler nettement. Un jour plus tôt, un jour plus tard, tu sauras bien toujours la vérité. Expliquons-nous donc. » Malgré son courage, Alexandrine eut le frisson. Jamais elle n'avait entendu son père parler avec cette voix-là. Il marchait de long en large et parlait tout en marchant. « L'obstacle ne vient pas de M. de Mauvezin, » dit-il. « Le choix est bon et je ne le désapprouve pas. Il t'aime, à ce qu'il assure, et j'ai pu voir que tu n'es pas indifférente à cet amour. De ce côté-là, rien de mieux. » « Mais penses-tu qu'un homme dans sa position épouse une femme sans fortune ?» Alexandrine regarda son père et craignit un instant qu'il ne fût devenu fou. « Sans fortune ? répéta-t-elle machinalement. « Eh oui, car enfin il faut bien que je te dise tout. Je suis ruinée, ruinée de fond en comble, ruinée sans aucun espoir d'en revenir. Ah, si j'avais 30 ans, ce ne serait pas grand-chose, mais j'en ai 55 et j'ai perdu l'habitude du travail. Ainsi, ne compte plus sur rien. » Monsieur de Rosiers ouvrit un tiroir de son bureau et montrant à sa fille quelques pièces d'or. « Ces 2 ou 3 douzaines de louis que tu vois là, reprit-il, c'est tout ce qui me reste, tout. »« Vous, ruiné? Mais comment ? » s'écria Alexandrine. « Ah, comment ? Est-ce qu'on sait ? Paris a tout dévoré. Un jour ceci, un jour cela. » Tu ne sais pas quel ravage les passions exercent quand elles se logent sous des cheveux blancs. Le feu ne dévore pas la paille plus sûrement. Mais c'est une histoire que tu ne comprendrais pas. J'ai eu le vertige, et j'ai regardé s'en aller ma fortune comme on regarde l'eau couler. À présent, tout est fini. J'ai bien pensé à vous, mais trop tard. Il y a 6 mois, j'ai voulu tout réparer d'un seul coup. J'ai fait de l'argent du peu qui me restait, et j'ai tout mis dans une affaire. C'était un coup de dé. Je l'ai joué pendant mon dernier voyage à Paris. L'affaire va mal, et je suis revenu comme l'enfant prodigue. Malheureusement, l'enfant est un vieillard. Une lettre que j'attends peut modifier cette position, mais viendra-t-elle ? C'est au moins douteux. Enfin, tu le sauras toujours. Mais l'hôtel, mais notre terre des ronceaux, reprit Alexandrine. L'hôtel et les ronceaux, ils sont hypothéqués jusqu'à la dernière pierre, jusqu'au dernier arbre. Je te dis qu'il n'y a rien. Moi, je suis vieux, qu'ai-je à regretter ? Toi, tu es forte, et tu te raidiras contre la mauvaise fortune. Mais ta sœur, la pauvre Louise, eh bien, elle est jeune et jolie, on lui trouvera un mari comme à moi. » Monsieur de Rosiers regarda sa fille. « Un mari, comme à toi. » « Sans doute. Est-ce qu'il ne me reste pas toujours monsieur de Mauvezin ? Sa fortune certainement n'est pas aussi considérable que celle que je croyais lui apporter, mais elle nous suffira. » Monsieur du Rosier joignit les mains. « Ah, mon Dieu, tu en es encore là !» Un instant, il contempla sa fille avec stupéfaction, comme un homme qui, se promenant sur le boulevard, se trouverait tout à coup en présence d'un Algonquin ou d'un sauvage de la terre des Papous. « Enfin, reprit-il avec un soupir, l'expérience te viendra plus tard. »« Que voulez-vous dire ? » demanda Alexandrine un peu troublée. « Rien. » Je dis seulement que si tu épouses M. de Mauvezin, Louise pourra aussi se marier. » On comprend que Mademoiselle du Rosier ne dormit guère durant la nuit qui suivit cet entretien. Les choses que son père lui avait dites ne faisaient que revenir à son esprit. Elle les y retournait de 100 façons. Cependant, malgré le trouble où l'exclamation de son père l'avait jeté, Alexandrine ne fit pas un instant à M. de Mauvezin l'injure de penser que le changement survenu dans la fortune de M. du Rosier pût en rien modifier sa résolution. L'eût-elle donc oublié s'il avait été sans ressources ? Telle elle était, telle elle le jugeait. On doit ajouter à sa louange que l'avenir de Louise la préoccupa beaucoup plus que le sien propre. Quelques jours se passèrent dans cette incertitude. M. du Rosier vaquait à ses affaires comme si les choses eussent toujours été dans le même état. Alexandrine n'osait pas l'interroger. Un soir, pendant un concert où son père avait voulu qu'elle se rendît et où se trouvait toute la bonne société de la ville, M. de Mauvezin s'approcha d'elle. « Ne me demandez rien, » dit-elle. « Il ne m'est pas encore permis de répondre. »« Ma vie est entre vos mains, » murmura tout bas M. de Mauvezin, et il s'éloigna. À la sortie du concert, Évariste prit le bras de sa cousine. Il faisait un temps superbe et Madame de Fougerolles consentit à pousser jusqu'au pont de l'Allier pour voir le clair de lune. 2 ou 3 personnes les accompagnaient. Quand on eut franchi le faubourg qui descend vers la rivière, Évariste pressa le pas. « J'ai à vous parler, ma cousine, et je ne sais comment m'y prendre. »« Eh bien, parlez, » dit-elle. « Ce n'est pas plus difficile que ça. Vous ne m'en voudrez pas ?»« Mon Dieu, que de précautions !» Si j'avais à vous parler, je le ferais d'abord, quitte à voir après si cela vous contrarie. Eh bien, ma chère cousine, il m'est revenu que la fortune de M. du Rosier était compromise, sinon perdue. « Quelle folie !» dit Alexandrine, qui se sentait pâlir. « Ah, je voudrais bien que ces folies ne fussent pas si folles. Elles me permettraient de vous offrir un cœur qui est à vous longtemps. » Alexandrine releva la tête fièrement. « Le mien n'est plus libre, » dit-elle. La poitrine d'Évariste se serra. « Alors, » reprit-il, « ne pensez plus à ce que je vous ai dit. Mais si ce qu'on raconte est vrai, ne m'oubliez pas. » C'est à peine, cependant, si Mademoiselle du Rosier l'entendait. Sa pensée était toute à M. de Mauvezin. Si Évariste avait connaissance de la ruine de M. du Rosier, ce même bruit, si bien fondé, pouvait être arrivé aux oreilles d'Anatole. Et pourtant, il venait tout à l'heure encore de s'engager avec elle. Ses prévisions étaient donc réalisées. La perte de sa fortune ne pouvait rien contre l'amour qu'elle lui inspirait. La joie et l'orgueil enflaient ensemble le cœur d'Alexandrine. Évariste et Mademoiselle du Rosier étaient alors à l'extrémité du pont, appuyés contre le parapet. Évariste regardait la rivière, Alexandrine regardait la lune, dont la lumière éclairait en plein son visage. Leurs bras se touchaient, et ils étaient séparés par un abîme. La voix de Madame de Fougerolles les tira de leur rêverie. « Il fait froid ici, » dit-elle, « et vous allez vous enrhumer. » Tous deux se retournèrent. « Mon Dieu, que vous êtes pâle !» s'écria Louise en regardant Évariste. « Vous serait-il arrivé quelque malheur ?»« Non, » répondit Évariste doucement. « Ah !» reprit Louise, dont les yeux s'étaient remplis de larmes. « Si le malheur vous frappait, ce serait bien injuste. » Et par un mouvement instinctif, Louise se rapprocha d'Évariste, tandis que Mademoiselle du Rosier prenait le bras de Madame de Fougerolles. Le lendemain, à bout de patience, Alexandrine demanda à son père des nouvelles de cette fameuse lettre dont il lui avait parlé. « Cette lettre que j'attendais ?» répondit Monsieur du Rosier. « Je l'ai reçue. »« Eh bien ?»« Oh, elle ne décide rien. Il faudra seulement que j'aille à Paris. »« Comptez-vous partir bientôt ?»« Cette nuit. » »« Et resterez-vous longtemps absent ?» « Je ne sais, mais tu auras de mes nouvelles. » La sobriété de ses réponses n'était pas faite pour engager Mademoiselle du Rosier à prolonger l'entretien. Elle comprit que son père voulait être seul et le quitta. Le soir, il s'enferma pour travailler après avoir embrassé ses deux filles. Il était comme à l'ordinaire. Alexandrine remarqua seulement qu'il retint quelques secondes Louise sur son cœur et qu'il insista beaucoup pour qu'elle retournât au couvent le soir même. Il avait comme une larme dans les yeux quand il poussa la porte de son cabinet. Cette preuve de sensibilité chez un homme qui n'en avait guère étonna Mademoiselle du Rosier. « Il faut que la lettre soit mauvaise, » pensa-t-elle. Un moment après, il rouvrit la porte et appela son domestique. « Jean, n'oubliez pas de m'avertir, je prendrai le train de 5 heures. » À 4 heures, Jean, qui avait dormi dans un fauteuil, cogna à la porte du cabinet. Personne ne lui répondit. Il regarda par le trou de la serrure. Il ne vit point de lumière. « Bon, » dit-il, « mon maître se sera endormi et la lampe s'est éteinte. » Il prit un bougeoir et poussa la porte. Un obstacle qui faisait résistance à l'intérieur ne lui permit pas de l'ouvrir tout entière. Elle resta entrebâillée et il dut faire un effort pour pénétrer dans le cabinet. « Eh, monsieur, il est l'heure, » dit-il. N'entendant rien, Jean regarda partout et vit M. du Rosier étendu de tout son long par terre, entre la porte et le bureau, le visage sur le tapis. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il. Il le souleva entre ses bras et le coucha sur un canapé. Le corps était lourd et inerte, la face rouge, et on voyait à l'angle du front une meurtrissure que M. du Rosier s'était faite en tombant. Jean perdit la tête et appela de toutes ses forces. En un instant, tout l'hôtel fut en l'air. Madame de Fougerolles, qui avait le sommeil léger, accourut l'une des premières. « C'est une attaque d'apoplexie !» s'écria-t-elle, quand elle vit la figure congestionnée de M. du Rosier. En ce moment, Alexandrine, réveillée en sursaut par le tumulte qui régnait dans l'hôtel, parut dans la pièce qui précédait le cabinet. « N'entrez pas, mademoiselle !» s'écria Jean, qui se jeta devant la porte. Alexandrine devint toute blanche. « Mon père est mort !» s'écria-t-elle. Madame de Fougerolles, qui n'avait jamais beaucoup aimé M. du Rosier de son vivant, la prit par la main. « C'est un grand malheur, mon enfant, » dit-elle. « Mais que veux-tu, il n'écoutait personne, cela devait mal finir. » Mais Alexandrine ne l'entendait pas. Elle regardait cette porte derrière laquelle était le corps de son père. Voilà donc pourquoi il a voulu qu'on ramenât Louise au couvent, dit-elle. Un éclair traversa tout à coup son esprit. Le malheureux, murmura-t-elle, il s'est tué. Tué, ton père? Reprit Madame de Fougerolles. Alexandrine saisit le bras de Madame de Fougerolles. Mais vous ne savez donc pas? Au fait, il ne l'a confié qu'à moi. Mon pauvre père était ruiné, lui dit-elle à l'oreille. Ruiné? Mais alors, tu n'as rien? Madame de Fougerolles, qui avait pris les mains d'Alexandrine entre les siennes, les laissa tomber. Mademoiselle du Rosier profita de ce mouvement pour entrer dans le cabinet et voir son père une dernière fois. Le corps était déjà froid. Elle se mit à genoux pour l'embrasser, mais le contact de ce front glacé lui fit mal. Elle se releva en poussant un cri et tomba évanouie. Le bruit de la mort de M. du Rosier se répandit avec la vitesse de l'éclair dans Moulins. La nouvelle d'une révolution qui aurait renversé le gouvernement n'y aurait pas produit plus d'étonnement. Lui, hier, si bien portant, lui, si heureux, disait-on. Mais quand on apprit qu'il ne laissait rien de l'immense fortune qu'on lui supposait, l'étonnement devint de la stupéfaction. On comprit alors les clignements d'yeux et les réticences du vieux notaire, et pendant 8 jours, il ne fut pas question d'autre chose dans tout l'arrondissement. L'opinion générale était que M. du Rosier avait été frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Mais quelques personnes, et le notaire à leur tête, semblaient croire qu'une autre cause avait précipité cette fin tragique. « Apoplexie, apoplexie, c'est bientôt dit, » murmura-t-il. « Elle a bon dos, l'apoplexie. Eh bien, lui prend d'être muette. » Le reste de la phrase se perdait dans les plis de sa cravate blanche. On s'occupait beaucoup aussi de l'avenir de Mademoiselle du Rosier et de sa sœur Louise. Élevée dans un si grand luxe, comment supporterait-elle la privation des choses auxquelles elles étaient le plus habituées? À quoi allait-elle se décider? Puis, quand on venait à parler de ce fameux mariage qui avait si longtemps fait jaser les curieux, les plus malins souriaient. « Adieu, panier, vendanges sont faites, » disait-il. Pendant les 2 ou 3 premiers jours, Mademoiselle du Rosier resta comme étourdie, et plus occupée des soins qu'il fallait apporter à toute chose que de son chagrin. Le peu de temps qui lui restait, elle l'employait à consoler Louise. Elle éprouvait seulement une certaine surprise de ne pas avoir reçu la visite de M. de Mauvezin, mais elle attribuait cette absence à la délicatesse d'un cœur qui ne veut pas mêler d'autres pensées à celle de la mort. Elle se montrait d'ailleurs pleine de fermeté et faisait tête à la douleur. Que devint-elle lorsque le 4e jour elle reçut une lettre par laquelle M. de Mauvezin lui mandait qu'une affaire urgente le forçait à partir pour la campagne sans qu'il pût encore fixer l'époque de son retour. Il l'assurait d'ailleurs de son entier dévouement et de la part sincère qu'il prenait à son malheur. À la lecture de cette lettre, Mademoiselle du Rosier éprouva moins de douleur que d'indignation. La colère, la honte, le dégoût, le mépris se partageaient son cœur. « Et j'ai pu l'aimer !» se disait-elle. À ce souvenir, son visage passait de la pâleur au pourpre. L'amour était mort sur le coup. Il n'en restait plus qu'un sentiment confus de rage et de haine qui faisait bouillonner son sang. « Le lâche !» dit-elle. S'il ne m'avait pas écrit, c'eût été une trahison, mais cette lettre, c'est une bêtise et une insolence. » Par un mouvement vif, elle la déchira, mais au moment d'en jeter les morceaux, elle s'arrêta et les replaça dans leur enveloppe. « Non, murmura-t-elle, non, je vais la relire, pour ne lui pardonner jamais. » Pour la première fois, Mademoiselle du Rosier jeta sur son avenir un regard profond. Elle restait orpheline et sans dot, et n'avait plus pour appui que Madame de Fougerolles, dont la tendresse n'était pas excessive. Son unique espérance était brisée d'un seul coup. Elle ne voyait devant elle que l'incertitude et la nuit. Pendant que ses réflexions traversaient son esprit, Alexandrine était accoudée sur la cheminée devant une glace, le menton dans sa main. Elle leva les yeux et se regarda. La vue de ce visage tout blanc, qui illuminait la clarté de deux bougies, lui fit presque peur. Il lui semblait que c'était celui d'une autre personne, qu'elle ne connaissait pas. Les yeux étaient tout grands ouverts, le front mat, les cheveux en désordre pendaient le long des joues. Elle se regarda longtemps, comme si elle eût cherché à lire dans son propre cœur. Le silence et la nuit l'entouraient. La lettre d'Anatole était sous sa main. « Je suis belle, » dit-elle tout à coup à demi-voix. « Je suis intelligente, rien n'est perdu. » Le son de sa voix la fit tressaillir. Elle passa la main sur son front et se réveilla comme d'une hallucination. Mais sa résolution était prise.